ta vie. Vous ne faites que perdre temps, passez votre vie dans l'industrie. Moi je ne suis qu'un gros feignant, je resterai dans mon lit. Il paraît que le travail en libre, c'est ce qu'ils apprenaient dans les camps. Mais aujourd'hui c'est comme avant, ça sert juste à survivre. Demandez juste à vos parents, ils triment déjà depuis 30 ans. 30 ans de vie c'est important, le temps vaut mieux que l'argent. Alors faites bien attention. À quoi? Au travail qui rend con. Pourquoi? La spécialisation, c'est là. L'obotomisation. Faites bien attention. À quoi? C'est votre destruction. Pourquoi? Nous ne sommes que des moutons et on jette tout du même. Je travaillerai pas comme un con, je m'y refuse en concession.